Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et on est maintenant rendu à une section que j'aime bien tous les matins. Donc, vous présentez des choses totalement... des fois, c'est très, très fondé. D'autres fois, c'est totalement insolite. Mais ce sont des choses auxquelles on s'attarde pas nécessairement. Et nous sommes rendus donc à cette fameuse section qu'on appelle les... Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Ah, quel beau thème. Ça a coûté 22 000 piastres faire ça, quand même. le top de l'insolite ce matin, qui, en fait, c'est 6 choses que les hommes font pour récolter les pécunes femelles, enfin, pour intéresser les femmes, et que la science sait que ça les turn off, en bon français, que ça les rend désintéressés de vous. Et on débute avec ce numéro 6, qui est aller leur parler, simplement. Et oui, donc, bien souvent, ça peut arriver que ça fonctionne pas. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque vous vous intéressez à une femme, et ça, c'est des études scientifiques qui ont été faites, lorsque vous vous intéressez à une femme, de n'importe quel type, en fait, la femme de votre goût, lorsque vous allez leur parler, ce qui arrive, bien souvent, c'est que vous allez être gêné, stressé, ou vous allez tout simplement utiliser des patterns qui sont pas nécessairement très bons. Et plus vous êtes intéressé à la femme, plus vous allez avoir l'air débile un peu lorsque vous allez y parler. Donc, d'une façon, vous pouvez bégayer, vous pouvez dire des blagues vraiment pas drôles. Vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, donc, vous rendre très, très inintéressant. Et en fait, ce qu'on dit, entre autres, c'est que, en fait, qu'est-ce que ça peut arriver? Non, c'est les scientifiques qui n'ont pas réussi encore à prouver que ce qui arrive, c'est que le sang part de votre cerveau pour aller, en dessous du nombril, bien sûr, on n'a pas encore prouvé le tout, mais quand même, ça pourrait être, en fait, parce que les femmes, donc, intéressées dans les choses, lorsqu'une femme regarde un homme, et qu'un homme regarde une femme également, mais à ce qui paraît, ce sont plus les femmes qui agissent comme ça. Si qu'on regarde, en fait, l'aspect reproductif de la personne, et on dit donc les femmes lorsqu'ils vous entendent parler dire des conneries, c'est ce gars-là est facilement distrait par ma beauté ou par son habileté donc d'aller directement au but si on veut. Et donc, ça peut être mauvais pour votre réputation. Donc, si jamais vous voyez une femme qui vous intéresse, soit prenez votre temps ou utilisez quelqu'un d'autre. Je sais que ça a l'air lame, là, quand même, mais il y a d'autres façons d'aborder les femmes que de simplement aller leur parler, avoir l'air d'un total imbécile ou tout simplement essayer de peut-être l'aborder ailleurs d'une autre façon. Mais ça ne veut pas dire de la suivre dans ses déplacements non plus. Mais quand même, donc, vous voyez l'idée. Et vous avez de toute façon déjà abordé quelqu'un dans un bar. C'est tout le monde a fait ça au moins une fois dans sa vie. Parfois, ça peut tirer un petit peu mal, par contre. Vous pouvez mal vous en tirer. D'autres fois, ça peut fonctionner, en fait. À chacun ses façons, ses techniques. Par la suite, nous avons une autre chose qui désintéresse les femmes lorsque vous essayez de les approcher, c'est avoir l'air intéressé à ce qu'elles disent. Effectivement, donc, on dit tout simplement que lorsque vous avez l'air intéressé à ce qu'une femme dit, ça peut paraître que ce n'est pas nécessairement vrai. Et donc, les femmes vraiment aiment, bien sûr, qu'on s'intéresse à ce qui arrive, mais pas qu'on ait l'air nécessairement trop intéressé, puisque ça paraît. Donc, lorsque vous rencontrez une jolie demoiselle et qu'elle vous parle, vous pouvez être très intéressé à ce qu'elle dit, mais faites pas comme si c'était overacté, donc comme si vous essayiez donc simplement de lui plaire immédiatement en disant oui c'est vrai, ah oui t'as raison, puis non, quand même soyez un peu détaché. Au numéro 4, des choses qui pourraient facilement éloigner une de vos prochaines conquêtes si vous essayez donc de la ramener chez vous, ça pourrait être votre façon de danser. Et ça, n'importe qui n'a pas de cours de danse ou quelque chose comme ça peut penser la même chose. Puisque danser, c'est pas nécessairement à la main de tout le monde. À la portée de tout le monde, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables nécessairement de danser. Bien souvent, ça se retrouve dans l'ADN. Scientifiquement, ça a été prouvé que les meilleurs danseurs se reproduisent et font des petits. Ah ah ah. Quand même. Et donc, et plus on vieillit en plus, plus la coordination des mouvements est moins bonne. Et plus on est jeune, en fait, et moins la coordination est bonne à aller jusqu'à un certain âge. On se retrouve donc entre 25 ans, c'est à peu près l'âge moyen où le cerveau arrête d'évoluer. Non pas d'évoluer, mais atteint comme son paroxysme au niveau aussi des mouvements moteurs. Et donc, je vais aller tousser, je vous reviens. Voilà, ça va un peu mieux, j'ai des couteaux dans la gorge. Et donc, plus on vieillit, plus la danse devient moins bonne, et plus on est jeune, moins la danse est mieux. Donc, le best, c'est d'y aller entre 25 et 35 ans. Par la suite, vous êtes fini. Donc, vous avez, si vous avez 25 ans comme moi, 10 ans pour aller danser. Et par la suite, c'est fini. Alors, en tout cas, arrêtez, puisque les femmes vont aller chercher les meilleurs danseurs, bien sûr. C'est connu. Et si vous n'êtes pas trop coordonné, ça n'aide pas nécessairement non plus à votre potentiel de reproduction. Hein? Si vous avez des gestes un peu bizarres, ça va pas très bien. Faut pas oublier quand même que notre partie primitive du cerveau fonctionne beaucoup lorsque c'est le temps de la séduction et aussi qu'on garde ce qui nous intéresse chez le sexe opposé. Et il faut vraiment pas oublier ça, sinon on se perd quand même. Et donc, numéro 3 des choses qui vont « turn it off », en bon français, j'aime bien dire ça, qui sont des « turn off » en fait pour les femmes et des choses que les hommes font généralement pour les intéresser. C'est la science qui nous dit ça. Et là, maintenant, c'est s'intéresser, on vient de le dire, c'est plutôt complimenter son look, son style, et c'est au numéro 3. Donc, va avoir l'air intéressé à une femme, et bien sûr, la femme est très jolie et tout, mais de lui dire, c'est un peu comme lui donner trop de facilité. Et là, c'est pas du machisme, c'est pas rien du tout, c'est plutôt la science donc qui dit ça. C'est qu'une femme, ça a été prouvé que dire à une femme, en fait, qu'elle est très jolie, qu'on est attiré par elle, ça va être... De toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça va la repousser d'une certaine façon. Dire les choses comme sexy, jolie et hot, bien sûr, ça descend un peu la moyenne donc des réponses que vous pourriez avoir et aussi de l'ouverture initiale qu'elle avait envers vous. Elle va être plus intéressée vous l'écoutez parler plutôt de ses passe-temps favoris et des choses qu'elle aime bien également c'est assez facilement. Ça a été prouvé. En fait, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est qu'une femme qui se fait complimenter sur son allure, c'est sûr que c'est très poli, c'est très gentil, mais justement, elle va dire « Ah, il est donc bien gentil. » Mais elle va pas penser autre chose de vous et vous allez avoir l'air également un peu sous-estimé, bien sûr, puisque dans certaines façons, vous pouvez également avoir l'air d'un gars qui n'a peut-être pas l'estime assez haute et qui, donc, ça va pas nécessairement comme la personne la plus belle de la salle. Et dire à une femme qu'elle est belle, donc ça peut dire « Ah, moi, ben, il est peut-être pas de mon calibre, finalement. » Et donc, au numéro 2, des choses qui sont des turn-off pour les femmes et que les hommes utilisent bien souvent pour, en bon français, ouvrir le dossier. Pour utiliser les... Ah, ça, c'est vraiment pas beau. C'est pas une belle expression. J'en suis désolé. Plutôt pour aborder les femmes, donc voilà. Et ce sont des choses qui, bien souvent, vont les faire retourner de bord. Mais c'est d'être gentil. Et oui, donc, ça a été prouvé scientifiquement. Et il y a toujours le petit lien vers l'article scientifique qui a été ce top de l'insolite-là, ça nous vient du site crack.com. En passant, vous pouvez aller voir, c'est sur la page titre du site. Et donc, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que être gentil, c'est pas nécessairement bon pour intéresser une femme, oui, donc intéresser une femme, puisque bien souvent, les femmes vont avoir plus d'intérêt pour ce qu'on appelle les bad boys, ou ce qu'on dit dans l'article scientifique, en fait, les dark triads, donc les triades noires. C'est que en fait, c'est un peu comme on parlait, donc le cerveau primitif de la femme. Et là, je dis pas que les femmes ont un cerveau primitif. On a tous les deux un cerveau primitif, les hommes et les femmes. Donc, on a comme trois parties de cerveau. Et là, c'est la partie primitive qui fonctionne lors de la séduction et de l'intérêt envers une personne ou une autre. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que les femmes ont un intérêt plus relevé pour les mauvais garçons, mais non pas pour quelque chose à long terme. Et ce que dit l'article, en plus, scientifique, c'est que les hommes auraient pu disparaître. En fait, non pas les hommes, mais les bad boys, les personnes méchantes, normalement, scientifiquement prouvées, auraient dû disparaître tout simplement de la race humaine depuis une couple de générations à cause de leurs problèmes, bien sûr, à se reproduire, parce que plus t'es mauvais, moins t'intéresses les filles à long terme. Mais à court terme, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui arrive à court terme? C'est bien sûr, tu rencontres la fille, elle veut avoir une petite aventure avec toi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le lendemain matin, elle peut se retrouver avec un petit test de grossesse et, oups, c'est positif. Donc, le bad boy s'est reproduit sans le vouloir nécessairement. Mais donc, c'est prouvé scientifiquement que les femmes sont plus attirées vers les mauvais garçons. mais pas nécessairement à long terme. Ça va être souvent à court terme. Et donc, vraiment, ça a été prouvé. Cet article-là, entre autres, nous vient du site New Scientist Life. Et donc, c'est un magazine scientifique très intéressant où on retrouve la plupart donc des articles qui ont rapport avec ce top 6 de l'insolite. Et on fait allusion, entre autres, les mauvais garçons. Comme exemple, on peut utiliser James Bond, qui n'est pas nécessairement un mauvais garçon, puisqu'il est du bon côté, mais quand même qui a une attitude un peu ce qu'on appelle en anglais douchebag, donc un peu vraiment, tu sais, pas trop gentil, là, nécessairement, envers la gente féminine et ses compagnes, voilà. Il ne reste pas collé. Puis, ah, chérie, qu'est-ce que tu veux, chérie? C'est le temps de la mission. Et après ça, c'est fini. Et donc, numéro un des choses qu'on utilise pour intéresser les femmes, mais qui les rejettent habituellement ou qui font que l'homme se fait rejeter, c'est oublier les nommer du mauvais nom. Et ça, ben, c'est universel dans n'importe quelle technique de cruise ou de rapprochement. Si vous mélangez les noms et que vous appelez donc aux filles, si vous appelez la fille par le mauvais nom, c'est, je pense qu'on oublie ça, là, vraiment, c'est oublié déjà. Et même, on dit que il y a une étude, en fait, aussi à propos des noms, qui dit que si vous vous appelez Michael, James ou David, c'est plus facile, en fait, de vous rapprocher des femmes. Les femmes ont un intérêt plus puissant pour des noms comme ça. Les noms comme George, Paul et... donc, George et Paul, justement. Eh bien, c'est quand même assez moyen au niveau, donc, des... popularisation des noms chez les filles. Et donc, tenez-vous là pour dire, en fait, Michael, James et David, et si, ou simplement si vous appelez Michel, Jean ou David, vous avez une possibilité plus grande être populaire chez les filles, tandis que George et Paul, ben, ça fonctionne moins bien. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, ce sont des articles scientifiques qui ont été compilés dans ce top 6 pour un peu démontrer ce qui désintéresse les femmes dans les techniques de cruise. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job, job, bar. On s'appelle et on déjeune le matin... On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est Dadec. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et ukutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.